Voilà. Bonjour. Bonjour. To start, tu veux dire ton nom, where you are? Je m'appelle Béatrice Valentin, je suis française et j'habite en Normandie, dans le nord-ouest de la France. Et la première demande, question qu'on veut faire, c'est qui es-tu comme personne et vous pouvez parler des passions, des qualités, des intérêts, des valeurs. Qui es-tu? Comment je me définirais aujourd'hui? Je suis une femme de 54 ans. J'ai une grande fille de 31 ans. Donc, c'est marrant qu'elle arrive maintenant parce que je dirais que c'est avec mon compagnon, c'est les deux grands amours de ma vie, c'est les choses les plus importantes pour moi. Je suis très fière d'elle. C'est une psychologue et elle est aussi docteure en éthologie. Elle travaille sur la communication des hommes et des animaux et c'est une influence pour moi aussi. J'aime beaucoup les animaux, par exemple. C'est quelque chose qui est important dans ma vie. J'ai des chats et parfois ils viennent dans les séances. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi quand je travaille avec mes clients, de savoir s'ils ont des animaux, par exemple. C'est quelque chose qui fait pour moi partie de la vie et de la vie de famille. Et voilà, donc elle aussi, elle a cet intérêt-là. Qu'est-ce que je suis? Quel intérêt j'ai? J'ai un grand intérêt pour les arts. J'ai commencé ma vie en faisant une école d'art appliqué. Et puis, j'ai eu un destin qui a fait que j'ai évolué dans le milieu de la mode. J'ai été journaliste pendant un bout de temps. Donc, j'ai travaillé dans cet univers-là qui était à une époque où j'avais besoin de. Enfin, c'était un grand hasard. Mais ça m'a. Je cherchais beaucoup de légèreté à cette époque-là. Et ça m'a amené beaucoup de fantaisie. Je suis très créative, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis chanteuse aussi, j'ai un groupe. Depuis le 2000, on fait des concerts, on a fait 8 albums, on vient de sortir le dernier. Donc, je suis à moitié thérapeute et à moitié chanteuse. C'est comme ça que je répartis ma vie. 3 jours par semaine, je suis consacrée à la thérapie et à la recherche en thérapie. Et puis le reste du temps, ben je chante, je joue du clavier dans mon groupe. Voilà, c'est extrêmement important pour moi. C'est aussi quelque chose que je fais avec mon compagnon et c'est aussi très important parce que c'est un projet qu'on a ensemble. Et voilà, donc ça, c'est très important. Donc la musique est très importante pour moi. J'ai ça depuis que je suis toute petite. La musique est très importante. Je viens d'un milieu à l'origine très religieux, très fermé, sectaire. Donc ça, je me suis énormément ennuyée dans ma vie. L'ennui, je crois que ça a été la chose la plus intense. Et je crois que pour m'échapper à l'ennui, j'ai développé énormément mon imaginaire. Et ça a développé aussi une immense curiosité pour ce qu'il y avait à l'extérieur. Et je crois que j'ai gardé ça. Je suis restée très, très curieuse. Je lis beaucoup. J'aime énormément lire. C'était aussi quelque chose qui faisait que je pouvais m'échapper. Donc, je lis de la littérature, je lis des romans, mais je lis aussi des écrits scientifiques. Je m'intéresse énormément à tout, en fait. Voilà, je dirais que ma nature est extrêmement curieuse et très, très, très créative. Je dirais que je suis très polarisée. J'ai un côté très sérieux, très obsessionnel, très. Et puis j'ai un côté très expansif, très spontané, un peu fou. Je suis J'ai toujours dit oui, a priori, dans ma vie. On me propose quelque chose, je dis oui d'abord et après je réfléchis. Et souvent, je dis oh, pourquoi j'ai dit oui. Mais je dis toujours oui parce que je suis toujours excitée par quelque chose de nouveau. Des fois, c'est trop. Je dirais que je pense énormément, c'est un de mes problèmes. Je n'arrête jamais de penser. Je me réveille la nuit parce que j'ai des pensées et je pense énormément. Donc, voilà. J'ai fait un peu de yoga et je dois dire que ça m'a appris beaucoup à me centrer. Et j'essaie de me centrer. J'ai une grande passion pour mon jardin. J'aime énormément la nature. C'est très important pour moi. Et voilà, j'ai un jardin et c'est la chose qui occupe mes mains. Et aussi, je peins, je dessine. Qu'est-ce que j'aime d'autre ? J'aime la mer, mais j'aime tout. J'aime toutes les campagnes, j'aime tous les paysages. J'aime bien qu'il n'y ait pas de frontières. J'aime tous les pays. Pas tous les pays, je ne les connais pas tous, mais voilà. Je dirais que la chose qui me caractérise, c'est l'ouverture et la curiosité. Voilà. Et alors, c'est qui la personne qui t'a marqué, je ne sais pas, pardon pour marquer. Non, c'est bien marqué, oui. Who is the person who has impacted or shaped who you are as a person? Tu as dit que tu es une fille, mais je ne sais pas, c'est qui? Who has been a big influence in your life? Il y en a eu beaucoup. J'imagine que tu dis ça dans le sens positif, hein? Trauma, positive influence, parfois c'est la même chose, je ne sais pas. Qu'est-ce qui était influencé? La nature. Oui, j'ai plusieurs influences qui sont profondes, je dirais que le milieu religieux dans lequel j'ai été élevée a eu une grande influence pour moi. Je ne suis plus du tout religieuse, mais je garde une grande curiosité et une dimension, quelque chose de l'ordre du sacré, de mes valeurs, c'est des valeurs chrétiennes que j'ai eues. Je les ai déconnectées de la religion, mais je pense que ça reste une influence pour moi de la charité, la solidarité, la droiture, le scrupule. C'est des choses, voilà. Alors c'est pas une personne, mais c'est quelque chose qui est l'éthique est quelque chose qui est extrêmement importante pour moi. Et je ne regrette pas cette influence, en fait. Mais je me suis dégagée de tout ce qu'il y avait de toxique aussi et de ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont une influence pour moi. En ce moment, je dirais que Hannah Arendt, par exemple, la philosophe, est une influence pour moi en ce moment. Parce que la question du bien et du mal me préoccupe et j'aime beaucoup son point de vue sur la banalité du monde, la banalité du mal, par exemple, c'est une influence et dans la question de la responsabilité de penser et d'être actif et de réfléchir et de garder son esprit critique, par exemple, c'est quelque chose qui est puissant, qui m'a aidé moi dans ma vie beaucoup parce que j'avais pas le droit de critiquer et je n'avais pas le droit de penser par moi-même. Et la lire et de comprendre comment on peut l'interdiction d'avoir une pensée personnelle est dangereuse et suivre la pensée d'un autre est dangereuse sans la critiquer, sans réfléchir. Donc elle, par exemple, en ce moment, c'est une grande influence. Mais il y a des auteurs comme Nicolas Bouvier, qui est un écrivain suisse, un écrivain voyageur, qui dans son ouverture du monde est une grande influence pour moi. Il y a Elsa Maillard qui est aussi une écrivaine voyageuse suisse qui est une grande influence pour moi parce que ça s'est connecté à l'autre, à la culture de l'autre. Mon compagnon est une influence pour moi parce que il vient d'un milieu, une culture complètement différente. Il est gréco-arménien de nationalité américaine et c'est quelqu'un qui m'a appris énormément en musique par exemple, qui m'a ouvert à des styles musicaux complètement différents. Il vient du post-punk et tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est génial pour moi. On s'influence beaucoup mutuellement, mais c'est quelqu'un qui est très, très, je trouve très, très critique justement, très, très intelligent, très et très sensible. Et j'apprends de lui à faire les choses bien parce qu'il est très perfectionniste. J'apprends aussi à arrêter d'être psy par moment et me laisser aller juste à qui je suis sans réfléchir. Il a une influence pour moi. C'est quelqu'un de très volontaire, de très tenace. Et du coup, il m'aide à tenir quand j'ai quelque chose. Ça me soutient, son exemple me soutient. Ma fille est une influence sur moi, dans le sens où elle m'apprend beaucoup de choses avec avec l'éthologie, avec le rapport aux animaux qui est complètement différent de ce que j'ai pu apprendre. Dans ma culture chrétienne, on dit que la nature est faite pour l'homme, que l'homme domine sur la nature, domine sur les animaux. Avec elle, je suis devenue végétarienne, par exemple. La question du bien-être animal est quelque chose de crucial et pour moi, ça fait partie d'un tout, d'une harmonie, d'une logique, d'une cohérence. Donc, elle m'apprend et elle m'influence. Il y a des peintres. Nicolas de Staël est une influence pour moi dans sa recherche absolue de la lumière, par exemple, cette capacité d'observer jusqu'à trouver l'essence, par exemple. Lui, c'était la lumière, par exemple. Il y a tellement d'influences. Tu sais, j'ai fait un faux arbre généalogique. J'ai un faux arbre généalogique avec... Et j'ai mis dans mon arbre généalogique tous les gens qui sont... Ça peut être mon arrière-grand-père. Ça peut être une grande-tante. Ça peut... Voilà. Hannah Arendt fait partie de... Voilà, c'est une grande-tante, par exemple. Voilà. Donc, j'ai rassemblé toutes les personnes qui sont inspirantes pour moi et j'ai décidé que c'était ma famille. Ma famille choisie, voilà. Ah oui. Alors, tu as dit que la religion, mais je ne sais pas si c'est ça ou non, s'il y a un événement ou une circonstance qui t'a formé, qui t'a marqué dans ta vie. Oui, je me suis fait excommunier, justement, tu vois. Ça a été un événement très important. Je pense que c'est un événement fondateur. Dans la mesure où, dans la secte où j'étais, si tu te fais excommunier, plus personne ne te voit. Tu es banni, en fait. Tu es exilé, tu es banni. Et donc, j'ai dû couper avec toutes mes racines, en fait, tout ce qui faisait mon origine, excepté ma mère et mon frère, ma sœur, enfin ma famille très proche. Mais ça a été, même avec eux, avec ma mère, c'était difficile. Et je me suis retrouvée seule, avec mes peurs. Et ça a été fondateur parce que justement ça m'a appris à vivre et penser seule et chercher seule. Et voilà, j'étais autodidacte de la vie dans ce sens-là. Et ça a été un événement très marquant et c'était le prix à payer pour ma liberté, mais rien n'est plus important pour moi que ma liberté. Alors c'est super, c'est une super expérience que je ne regrette pas du tout. Mais c'était un événement marquant, oui. Tu avais combien de ans? J'avais 26 ans. La prochaine question, c'est comment tu es venu à la thérapie de Gestalt? Comment tu as connu la Gestalt? Ah, pas alors. Comme tout dans ma vie, absolument par hasard. En fait, j'avais commencé une psychanalyse. J'ai fait une psychanalyse pendant 5 ans avec une dame que j'ai beaucoup, qui m'a laissé amie avec la psychanalyse. Et donc, j'ai fait une thérapie. Comment ils appellent ça maintenant ? C'était une thérapie en face à face. Et puis, à un moment donné, j'étais allongée sur un divan. Et ça a été une expérience, cette allongée sur le divan, qui était en fait très violente pour moi, dans la mesure où je crois que j'avais besoin du regard de l'autre. Et privée du regard de l'autre, je crois que ça m'a mis dans quelque chose de très, extrêmement angoissant. Et j'en ai parlé avec elle. Et puis, pas très longtemps après, on a décidé que j'arrêtais la thérapie avec elle. Et puis, j'ai passé 2-3 ans sans. Et puis, j'ai eu un autre événement de ma vie qui fait que j'ai eu besoin de nouveau de recommencer en thérapie. Et j'avais une amie qui m'a dit, écoute, je fais une thérapie incroyable, je parle à un coussin. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc? elle m'a dit, mais tu vas voir, mais c'est super, tu devrais essayer. Et comme je suis curieuse, je me suis dit, oui, je vais essayer. et c'est comme ça que j'ai commencé une thérapie en Gestalt. Et j'ai fait à peu près 6 ou 7 ans de thérapie, et au bout de 6 ou 7 ans, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait. Je veux devenir thérapeute et puis je veux devenir gestalt-thérapeute, parce que j'aimais beaucoup justement la liberté que ça donnait, la créativité qui était possible. Ça correspondait bien à tout ce que je te dis à propos de la capacité d'être soi et de l'exprimer en fait comme je voulais, voilà, sans vraiment de normes en fait. Voilà, c'était ça qui m'a beaucoup plu. Et puis j'ai fait de la thérapie de groupe aussi, et c'était aussi la première fois, c'est pareil, je me suis dit, mon Dieu, je suis arrivée encore dans une secte. j'ai commencé par un stage d'une semaine, et j'avais jamais fait ça, et j'étais dans le midi de la France, et c'était une maison avec plusieurs maisons avec un grand portail. Et quand le portail s'est fermé, je me suis dit, mais il faut que je m'en aille. J'ai eu très peur. La même chose. Et en fait, j'ai été très bouleversée en fait d'écouter les histoires des autres. Ça a été une expérience très importante de me retrouver dans un groupe, de pas être seule, de pouvoir parler sans honte aussi de ce que j'étais. Donc, ça m'a détendue de me dire, bon, bah, y en a d'autres aussi qui ont des histoires et des fois pire que la mienne. Et voilà, donc j'ai aussi aimé ça beaucoup, la thérapie pro. Et qu'est-ce que tu fais avec le Gestalt? Qu'est-ce que je fais avec la Gestalt? Tu veux dire comment je pratique, enfin, ma manière de travailler? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Et si c'est quelque chose... Alors, pendant, en fait, ça fait 19 ans maintenant que je suis gestalt thérapeute. J'ai commencé de façon classique, entre guillemets, c'est-à-dire dans un cabinet où je recevais des gens. Et j'ai fait ça pendant à peu près... ça fait 19 ans, 7 ans, ça fait pendant 12 ans à peu près. Et puis, j'ai une sœur qui a une sclérose en plaques, et c'est deux événements en fait. Enfin, il y avait 3 choses qui ont fait que j'ai changé ma façon de travailler. D'abord, j'étais musicienne et j'avais des tournées. Et quand je partais en tournée, je ne voulais pas arrêter mes séances. Donc, c'était un problème. Et je ne voulais pas choisir entre être thérapeute ou être chanteuse. Les deux étaient importants pour moi. Et en Gestalt, j'avais appris à faire du « et » plutôt que du « ou ». Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de faire du « et ». L'autre chose, c'est que donc, la famille de mon compagnon habite aux États-Unis, donc ils sont très loin, et ils étaient plus avancés technologiquement que nous, que les Français. Et donc, ils ont eu, comme souvent, et ils ont eu, donc, il y a eu Skype avant que ce soit vraiment populaire en France. Et je me suis dit, c'est absolument incroyable. Et du coup, j'ai proposé ça à ma sœur qui habitait dans le sud de la France et qui ne peut pas se déplacer parce qu'elle est handicapée, elle est en fauteuil. Donc, venir me voir C'était difficile. Moi, y aller autant que je voulais, c'était difficile. Donc, on a commencé à faire des échanges par vidéoconférence et elle m'a dit, mais c'est super. Voilà, on a passé tellement de moments ensemble, on a passé des Noëls ensemble, on a déjeuné ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et ça m'a fait réfléchir et mon compagnon me disait, mais pourquoi tu t'en sers pas? Et je me suis dit, oh là là, mais je ne peux pas, je suis gestaltiste. Et je travaille avec le corps et je dois faire des expérimentations. Ce n'est pas possible. Et lui m'a dit, mais avant, il m'a dit, mais essaie. Et il y avait plusieurs personnes qui me disaient, je ne peux pas venir, parce qu'à Paris, c'est une grande ville comme Los Angeles, où il y a des bouchons beaucoup, les gens arrivent en courant, ils arrivent en retard, ils sont stressés. Et je me suis dit, mais c'est peut-être une façon un peu confortable de faire. Donc, j'ai commencé ponctuellement à faire des séances comme ça. Et c'était confortable pour moi, confortable pour eux. Et progressivement, j'ai proposé ça de plus en plus. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé donc de partir vivre à la campagne. Et je me suis dit, ceux qui avaient envie de continuer à rester avec moi en thérapie, qui ne voulaient pas changer de thérapeute, ils avaient ce moyen-là de garder du lien avec moi. Et donc, je dirais que les trois quarts de mes clients ont préféré rester avec moi par vidéoconférence que d'arrêter. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ben voilà, c'est une expérience extrêmement intéressante et j'ai commencé du coup à faire des recherches. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes recherches sur la vidéoconférence et la thérapie, ce qu'on appelle les e-thérapies, la cyberpsychologie. Donc j'ai lu beaucoup ce qui se passait aux États-Unis, en Australie, partout où il y avait des grands continents. J'ai vu aussi ce qui se passait en Angleterre où les e-thérapies, la thérapie par mail étaient développées alors qu'en France, ça ne l'était pas. Et j'ai commencé à me rendre compte en lisant des études scientifiques, en tout cas qui étaient menées surtout pour ce qui était les thérapies cognitivo-comportementales, que c'était très efficace. Et je me disais, bon, c'est des cognitivo-comportementales, ce n'est pas de la gestalt. J'ai regardé ce que faisaient les psychanalystes. Certains étaient pour, certains étaient contre. Voilà, et j'ai commencé à me nourrir et j'ai commencé à me dire, ben moi, je vais écrire mon expérience. Et voilà, ça fait 5 ans que j'ai commencé à écrire mon expérience. C'est très long parce que je cherche beaucoup et ça va très vite en plus. Donc, les documents que j'ai ont évolué. Donc, je cours un peu toujours après. Mais ça m'intéresse cette réflexion à la fois du point de vue théorique. Sur quoi, théoriquement, nous, on peut s'appuyer en tant que gestaltiste. Et puis, d'un point de vue, c'est le futur qui m'intéresse, hein, avec le monde numérique qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer avec la réalité virtuelle? Qu'est-ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui se passe avec les enfin, il y a déjà des psychologues robots. Je me suis... Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est en train d'arriver. Et là où je me sens très gestaltiste, c'est que je me dis, je dois faire avec cette nouveauté, même si elle ne me plaît pas. Je ne vais pas rester dans un ajustement conservateur, pas faire une gestalt, fixer une gestalt sur la gestalt, mais m'ouvrir et regarder voilà, ce que je peux faire, ce qui est possible. Donc, mon travail, c'est aussi de la recherche. Et puis finalement, j'ai fait une formation, j'ai mis au point une formation avec ce que j'avais appris pour transmettre. Et je dois dire qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'écho parce que jusqu'à ce qu'on ait cette crise sanitaire, les gens ont plus de résistance. Hein. Je dirais que le milieu gestaltiste est plus résistant. Je crois que les résistances que moi j'ai eues, ben, ils les ont aussi et ça demande du temps d'être prêt. Donc, voilà. Aha. Et la prochaine question, c'est si, je ne sais pas comment se dit ça. Do you feel like you are part of a gestalt community? Tu te sens comme... Ça, oui et non. It's a strange concept. I don't know. It doesn't, not everyone... feels that it's relevant, so I'm asking, I'm curious. No, I think it's really relevant, really. I think it's, there is a community, but I don't know if I'm a part of that. I think it's mostly because of my story. I think I will be, in a sense, always an outsider. And I think, in a way, I like to be an outsider because Oh, je suis partie en anglais. Je t'ai compris. Ok. Je vais continuer en français parce que c'est quand même oui. plus facile. Je crois que j'ai l'habitude de vivre un peu en dehors de tout. Parce que la secte dans laquelle j'étais était en dehors. Et puis moi, j'ai été en dehors de la secte. Et j'ai pris l'habitude d'être en dehors. Même la musique qu'on fait, on n'arrive pas à la classer. Tous les membres de mon groupe sont des gens qui ont été outsiders, d'une manière ou d'une autre. Et je crois que ça fait partie de ma personnalité. Et je crois que j'ai une ambivalence, c'est que c'est mes polarités. À la fois, j'adore être en communauté, à la fois, je crains d'être en communauté. Je crains la confluence, beaucoup. Et je crains les normes. Et je trouve que très vite, il y a quelque chose... d'une orthodoxie qui se met en place. Je pense que c'est naturel dans un groupe qui est probablement que c'est archaïque comme fonctionnement et que ça a des avantages parce qu'on a une force, on a une communion. Mais entre communion et confluence, il y a quelque chose qui est une frontière qui est limite. Et je crois que rester un peu en dehors me permet de garder mon esprit critique et de garder peut-être quelque chose de plus objectif parce que aussi quand je rentre en amour avec une communauté, je peux aussi avoir ce côté de fondre avec et c'est pas toujours bon pour moi. Et puis je suis une idéaliste, je suis souvent déçue, alors je préfère rester comme ça. Ça c'est mon vécu. D'autre part, je trouve que déjà en 20 ans, entre le moment où moi j'ai été formée et maintenant, évidemment, il y a des nouvelles générations, des nouvelles écoles, des nouvelles influences dans lesquelles je ne me reconnais pas toujours. Donc, il y a des communautés, je dirais, il n'y a pas une communauté. Je pense qu'il y a un esprit commun, une manière d'être commun. Mais la façon de le vivre, naturellement, fait que les gens se regroupent par communauté. Je crois qu'aussi, je pense à la AGT, je suis restée 5 ans à juste observer. Et puis, depuis quelques temps, je rentre. Mais je sens qu'il faut que je fasse ma place. Ça me demande un effort. Il faut dire qui je suis. Voilà, je pense qu'il y a une communauté internationale, mais on a des différences culturelles, on a des pôles d'intérêt différents. Par exemple, la question du genre, gender, et des questions autour de ça, en France, n'est pas une question majeure. Mais aux États-Unis, par exemple, je vois que ça existe beaucoup. La question de l'homosexualité, par exemple, comme spécificité, comme question spéciale, en France, on n'en entend pas beaucoup parler. Il y a des gens qui en parlent, mais ce n'est pas un sujet véritable. La question du transgenre, par exemple, la question de l'identité de genre, je pense qu'elle va venir maintenant, mais un petit peu en retard. Par exemple, je pense que les Français sont peut-être plus intellectuels aussi, quelque part. C'est notre culture qui fait ça. Et je ne connais pas les gestaltistes chinois, ni les gestaltistes russes, et je pense qu'ils ont on a chacun. Donc, oui, je pense qu'on a une langue commune qui est la gestalt. Si je te parle de concept, tu vas comprendre. La manière de le vivre, ça va être très spécifique et ça va me demander de m'ajuster aussi à ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça, c'était la prochaine question. Effectivement, je ne sais pas comment dit-on cela en français. How do you experience your gender? Yourself as a woman. I don't know if that is a relevant category for you in relation to Gestalt at all. Non, je ne me pense pas en tant que genre parce que tu vois, en tant que quand je suis en thérapeute, je sens que parfois je m'appuie sur mon pôle masculin yang, je peux être le père. Je peux prendre cette position-là et puis je peux être la mer, je peux être... Je pense qu'à l'intérieur de moi, c'est assez équilibré et je pense plus en termes de fonction ou de... À vrai dire, ce qui est important pour moi, c'est pareil, c'est une affaire de culture, le genre, bien sûr, et puis d'hormones. Hein, j'ai plus d'œstrogènes que de testostérone. Je n'ai jamais fait un test, mais quand même, a priori. Je suis sujet aux variations de mes hormones et de mes émotions et de ma sensibilité. Je sais que j'ai une inclinaison pour le langage qui est plus grand que peut-être un homme à la base, mais je crois tellement qu'on peut se transformer, je pense tellement qu'on peut évoluer que non, c'est pas vraiment quelque chose qui me dans la gestalt qui est important. Mais je viens quand même d'un milieu extrêmement machiste où les femmes n'avaient pas le droit à la parole, n'avaient pas le droit d'intervenir, n'avaient pas le droit de prier. Et donc, il y a quelque chose que j'ai développé d'une forme d'agressivité. Et c'est important pour moi de ne pas me taire sous prétexte que je suis une femme. Mais je pense que c'est plus mon histoire personnelle que quelque chose d'universel. Et je pense d'ailleurs que ça a à voir avec chacun son histoire personnelle, de comment on se vit en tant qu'homme ou de femme, mais comment on t'a fait sentir comme homme ou comment on t'a fait sentir comme femme. Donc je pense que c'est une question qui existe, mais elle a une origine personnelle. Ok. This next one is what is one of your greatest memories in Gestalt? A moment, an event, a story. Comme étudiant, comme thérapeute, je ne sais pas. Probablement comme thérapeute. Je crois que j'en ai pas un, mais j'ai plusieurs. J'ai souvent des moments de grâce, joie, satisfaction intense. Je ne sais pas comment on dirait de quand je vois quelqu'un qui émerge vraiment, quand on voit notre travail qui et quelqu'un qui arrive avec en disant j'ai fait ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai de voir quelqu'un émerger. Ce qu'il est vraiment et ces moments de partage, ça c'est une grande joie. Ou des moments où on est de plein contact tellement fort, où il n'y a plus thérapeute ni. Et c'est juste des rencontres de personnes quand on fait un nous qui appartient ni à moi ni à l'autre. Ça c'est probablement pour ça que je fais mon travail, pour sentir ça encore. Oui, d'accord. Et je manque de paroles en français. C'est quoi une challenge, quelque chose, une difficulté, quelque chose que a greatest challenge you have faced related to therapy. Comment dit-on ça en français? Le plus grand défi que j'ai pu relever en thérapie, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est, pas avec mes clients, mais je crois que ça a été de pouvoir découvrir que j'avais une propre pensée en tant que thérapeute, indépendante justement. Je pense que c'est un événement qui est arrivé avec mon superviseur, que j'avais depuis très longtemps, et de pouvoir dire, je crois que là, tu peux plus vraiment... Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit. Elle m'a dit, je crois que je ne peux plus t'apporter quelque chose. Et ce sentiment de dire, bien sûr qu'elle peut m'apporter 1000 fois et tout le monde peut m'apporter, mais c'est un moment de me dire que oh, je suis autonome, en fait. J'ai besoin encore d'appui, d'échange, mais... Oh, voilà, 20 ans plus tard, de dire, ça y est, je suis bien à ma place, en fait. Je suis bien à ma place. Et... avec cette confiance qui n'est pas de la prétention, qui n'est pas, mais juste une confiance dans mon fond, voilà, de sentir que je peux m'appuyer sur mon fond de thérapeute et qu'il est solide, bien que imparfait, bien que toutes les choses perfectibles, mais se sentir ce fond, je crois que ça, c'était l'expérience la plus... C'était le défi de pouvoir, pour moi, accepter ça. C'était un défi de dire, oui, j'accepte ça. Oui, merci. Je suis adulte en tant que... quelque chose comme ça. Oui, et la dernière question qu'on a, c'est... Qu'est-ce que tu penses que tu veux faire avec le Gestalt au futur? Ce que je veux faire de la Gestalt après, tu as dit? In the future. In the future. Either yourself or what do you think Gestalt will do in the future? Ah ben, oui, moi je suis très... La continuité pour moi, c'est cette continuité de... Alors... Dans un temps court, je vais commencer les thérapies de groupe avec la vidéoconférence. Ça, c'est mon prochain... Voilà, je vais commencer en juin. Mm-hmm. Donc, c'est ma nouvelle expérience. Continuer à chercher. J'ai rejoint un groupe de co-vision, intervision, de gens qui ne sont pas... gestaltistes, de psychologues, psychanalystes, qui réfléchissent aussi à cette question. Et je pense que ça aussi, c'est une nouveauté pour moi, de m'ouvrir à comment eux, ils vivent ça, de me nourrir aussi de leurs expériences à eux, de pouvoir regarder ce que je peux en faire. Et je crois continuer ma recherche et continuer à réfléchir et trier sur ce que je vais garder de ce que notre monde futur est en train de nous amener et ce que je vais garder et ce que je ne vais pas garder pour être en accord avec mon éthique, mes valeurs, ce que pour moi c'est la Gestalt et puis voilà un équilibre entre l'ouverture, la créativité mais aussi la constance, oui, continuer comme ça. J'ai souffert. Non, c'est bon ça. C'est bon. Merci beaucoup. J'ai tout compris. Super. Avec les pensées, que les paroles qui me manquent, mais je ne sais pas si tu veux apporter d'autres choses dans ce moment-là ou. Je suis très intéressée parce que la seule chose que je dirais, c'est que toutes les idées que tu as amenées sur la collaboration, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait plaisir. Cette idée d'être ensemble autrement, de réfléchir ce côté au-delà des frontières, de s'aider, d'être solidaire au-delà des écoles, au-delà de... Voilà, moi, je trouve que c'est une grande liberté. Pareil, ça stimule ma créativité. Ça me fait plaisir de voir. Et puis... Oui, ça me fait très plaisir de voir, par exemple, que David et toi, vous avez fait ce cheminement aussi et que je ne suis pas toute seule. Voilà, là, pour le coup, ça m'a sorti d'une solitude et ça me fait très plaisir de pouvoir penser ensemble à quelque chose de différent. Donc, merci beaucoup pour ça et pour votre créativité, pour ton idée là que je trouve super. Enfin, et bravo. Merci beaucoup. Je vais faire la pause. Maintenant, non? Ok. Ok, merci. Merci.